pleure, pleure, Marivonne, ton amie, je te l'ai pris. Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Ah, tu faisais bien ta fière quand il te donnait le bras. Pour la fête de Saint-Pierre, c'est à moi qu'il le donnera. Tu sais mieux que moi, je pense qu'il est bête autant que beau. Ça n'a guère d'importance car il lèche mes sabots. Pleure, pleure, Marivonne, ton ami, je te l'ai pris. Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Tu peux me traiter de garce, je ne crains pas l'adjectif. Je ne te l'ai pris que parce qu'il était décoratif. Si j'en juge ses grimaces, je l'ai bien entortillé. Que crois-tu donc que j'en fasse, ne suis pas fille à marier. Pleure, pleure, Marivonne, ton ami, je te l'ai pris. Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Un autre avait fait promesse de m'aimer, il a menti, je lui rends la politesse, faut en prendre ton parti. Celui-ci, il faut le dire, n'est bien sûr pas très malin, mais on pourrait trouver pire, tu me diras ça demain. Pleure, pleure, Marivonne, ton ami, je te l'ai pris, ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Ainsi va la farandole des amours que l'on dit vrai. Ne crois pas que je sois folle, j'ai raison, mais tu devrais. À ton tour un peu cruel, je t'ai ton dévolu sur le beau gars sans cervelle qui de moi n'a pas voulu. Et pleure, pleure, Marivonne, ton ami, je te l'ai pris. Ça n'a étonné personne, le village en a bien ri. Hola, hola, de retour sur Radio Cayenne. Vous êtes combien? Combien vous êtes, les gens? Vous êtes 32. On est quel jour? Ah, j'ai l'impression d'être à l'école, genre c'est quoi la date et tout. C'est vrai, ouais, pour les rediffs. On est lundi 12 novembre 2018. N'oubliez pas de l'écrire dans la marge. Souligné en rouge avec un crayon bleu. Madame, madame, est-ce qu'on peut écrire au crayon de bois? Non, avec un stylo bleu. Bref, voilà. ça se barre en live dans le live de Radio Cayenne ce soir. Alors, tout de suite, un son tiré d'une vidéo. D'une vidéo dispo sur la plateforme YouTube, fait par le vidéaste Alistair, A-L-I-S-T-A-I-R, où sa chaîne s'appelle Alistair H, comme la lettre H, Paradoxe. Paradoxae, et vous pouvez retrouver cette vidéo et plein d'autres qui sont hyper chouettes, qui sont à destination des personnes trans, mais aussi des personnes cisgenres, qui voudraient peut-être s'informer et qui se posent des questions qu'ils ou elles osent pas se poser. Donc allez-y, ça a l'air trop bien. Et du coup, le son que je vous passe est issu de la vidéo DIY de printemps, tuto, 6 manières de faire des bébés sans hétéro. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sage Paradoxae, et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en France, les gens étaient persuadés qu'il fallait des hétéros pour faire des bébés, or pas du tout. Du coup je me suis dit que ce serait sympa, là pour le retour du printemps, de se faire une petite vidéo tuto DIY, 6 manières de se reproduire sans les hétéros. Je précise juste avant de lancer la suite du coup, mais évidemment je vais pas le préciser à chaque fois, il est sous-entendu que les personnes impliquées dans la conception de l'enfant sont fertiles. Première méthode, être bi. Bah oui, en fait, un homme cis-bi et une femme cis-bi peuvent tout à fait avoir un enfant ensemble. Et être en couple avec quelqu'un du genre opposé ne fait pas de toi un hétéro. Si tu es bi, tu es bi, quel que soit le genre de ton partenaire. De la même manière que tu ne deviens pas aromantique quand tu es célibataire, ça n'aurait pas de sens. Deuxième méthode, être ace ou aro. À noter que celle-ci est cumulable avec la précédente. Une personne aromantique ou asexuelle peut tout à fait avoir des rapports sexuels aboutissant à une grossesse, et elle n'est toujours pas hétéro. Troisième méthode, être trans. Car oui, si vous êtes homo, ne vous inquiétez pas, il y a encore des solutions pour vous. Dans un couple homosexuel, si l'une des deux personnes est trans, il peut tout à fait y avoir une grossesse. Par exemple, moi, Je suis un homme trans, je suis né avec un utérus et je suis en relation avec un homme cis qui est né avec un pénis et des testicules. Donc si on veut, on peut tout à fait avoir un enfant ensemble sans trop de problèmes a priori. Inversement, une femme trans pourrait tout à fait mettre enceinte sa femme cis si celle-ci le veut. J'en profite tant que je suis là pour rappeler que non, transitionner ne rend pas stérile. Prendre de la testostérone n'empêche pas de tomber enceinte, prendre des œstrogènes n'empêche pas de féconder quelqu'un. Et même certaines opérations génitales, comme la métoïdoplastie, n'empêchent pas d'avoir des enfants. Quatrièmement, s'y mettre à plus que deux. Parce que oui, être homo n'empêche pas forcément d'avoir des rapports sexuels avec des gens du genre opposé. Tu es pas attiré par eux, mais ça veut pas dire que tu peux pas coucher avec eux non plus. Par exemple, j'avais connu un couple de femmes lesbiennes et un couple d'hommes gays, et un des hommes avait couché avec une des femmes, et l'enfant né de cette union était en garde alternée chez ses deux mamans et chez ses deux papas. D'une manière générale, des couples homo avec deux femmes cis ou deux hommes trans qui font appel à une tierce personne pour que l'un des deux membres du couple devienne enceint ou enceinte, ça existe, et d'ailleurs cette tierce personne n'est pas forcément hétéro non plus. Cinquième méthode, un peu plus classique, le don de gamètes. Un couple de personnes non hétéro peut tout à fait avoir recours à un don de sperme ou d'ovule afin de concevoir un enfant. Enfin, je dis peuvent, mais ça dépend des pays, hein, parce qu'en France, comme on est un peu des connards, c'est pas tout à fait possible, mais... biologiquement, ça marche. Et là encore, les donneuses ne sont pas forcément hétéros. Sixième et dernière méthode, la GPA. La gestation pour autrui, c'est quand une personne accepte de porter un enfant pour un couple, ou autre d'ailleurs. Et le couple en question va élever l'enfant à la suite de l'accouchement. Pareil, toutes les personnes impliquées dans le processus n'ont aucune nécessité d'être hétéros. Hein. Et voilà, vous savez maintenant tous les secrets de la reproduction sans les hétéros. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Si vous le testez chez vous, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires ou à poster une photo du résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag les hétéros ça sert à rien. Bisous! Si on t'organise une vie bien dirigée où tu oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour conquis, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, vas-y, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton corps qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Tant de liberté. Résiste.